Wesh les gars, ça va quoi? Ouais, je vous raconte l'histoire d'un pote à qui arrive un trou sans merde. Superficiel, superficiel. Deux, trois filles physiques, sa mère, j'ai kiffé grave, mène leur tête, sérieux. J'ai flippé grave à regarder, Google Story, Cacadémie et Piste Merde 2. Plus belle la vie, Hanson est une putain de tête de conne et pipirette, elle bouffe que des caquettes, se mêlent toutes sa langue. Et ferme ta gueule, je vais t'enfiler, cochonne. Va crier grave, superficiel, les meufs. Superficiel, leur stream, c'est démentiel, c'est essentiel. Ouais, toi c'est bon, blaireau, putain, la prendre de dos, rentre chez toi, puceau. Moi je vais me vider le poireau et toi bébé, je zoome, mais sauf ton clair, ça te dirait que ben. J'y glisse ma claque, elle me fait caisse de la tête, bye bye, branlette dans sa bio, pas une. Minute à terre, je me fous à poil et elle me chope le sexe, elle me dit. Tu aimes mon mignon? Putain, ta mère, oui, il me faut barrer, l'enculé de bâtard. Il m'a passé, je sens que ça y est. Je vais dérouiller, j'aurais mieux fait d'aller me prendre. Wouah! Wouah! Wouah! Wouah! Wouah! Remets ton cul! T'es une sale tranchouille! Oh, mais t'es un super coup! Oh putain, t'es génial! Reviens quand tu veux! Eh hey gros, pourquoi tu marches les pattes écartées comme ça? Ta gueule, bâtard! Oh putain, mon cul!